بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ إن شاء الله تعالى في هذا اليوم قراءة هذه الرسالة المفيدة النافعة، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. Comment أو les moyens bénéfiques للحياة السعيدة pour avoir une vie heureuse. للإمام الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه. طهمونيخ ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نيميرو 9. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخذنا في آخر الدرس فصل نافع في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك المؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. يعني المعاملة مع الأقارب مهم. يعني أن سي واحد إلى ديفو يعلم وأنت تعلم أنك كذلك تا ديفو ربما أكثر منه أو باغي كلوي أو موان كلوي، على كل حال تبا معصوم وني با معصوم، فلا بد من الرفق لا باسيونس. كذلك إذا حصلت الكلمة العفو طيب، العفو طيب خاصة بوندون لينيرفمون، خاصة لي كوبل أحيانا يا دي كلام أوكان دي دو بارتي يقصد ذلك، فقط لا فيغتي الشيطان ربما من كلمة، لكن الحقيقة المحبة حاصلة، ليس سال مهم. أما الزلة je peux pas oublier كما قال الشيخ سعدي ربما des années de خير، ربما des choses qu'ils ont été vécues ensemble pour une كلمة، ربما elle a été dite après énervement كذا، فلا la personne n'est pas شيطان détruire ce qu'il a construit على خير وعلى السنة. نعم le dernier درس il était نافع، كلام الشيخ سعدي il était تمام. كذلك الشيخ سعدي nous avait donné une précision أن كثير من الناس ils s'efforcent et prennent habitude à patienter dans les grosses épreuves. Lakin dans les petites choses, ils se laissent aller et ces petites choses elles lui font du mal vite. Et à la fin ça devient rubbama, ça fait plus de mal qu'une grosse épreuve. Et on a cité des exemples hier. Et aujourd'hui, نقرأ آخر هذه الفصول النافعة. Le dernier chapitre قال فصل في العاقل يعلم أن حياته الصحيحة حياة السعادة والطمأنينة وأنها قصيرة جدا. صحيح التتخ فيه فوائد عظيمة. أولا العاقل، أما بعض الناس حقيقة يغفلشيس با أو يبخن بالطن بغفلشيه يسبرسيبيد. أما العاقل يعلم أن حياته الصحيحة حياة السعادة والطمأنينة. أولا العاقل يسيك لفغفي c'est في السعادة والطمأنينة. Et tout ça s'englobe دين الله عز وجل. Pas de سعادة sans دين. كذلك أن cette vie elle est قصيرة جدا. Cheikh Saadi va venir où الآن? Comme il va nous expliquer. Il va venir أن يا أخي la vie elle est courte. Arrête de t'empoisonner. Cette vie qui est courte t'es في نعمة. T'as besoin de temps pour l'ilm, t'as besoin de temps pour l'ibada, t'as besoin de temps pour l'amal, t'as besoin de temps pour réfléchir, t'as besoin de temps qu'à dire. Ne t'empoisonne pas la vie avec des choses d'afia. Elle est qasira jiddan. شوف نحن تأملوا نحن الآن la vie comme elle avance vite. قبل أيام t'étais jeune, ربما t'avais pas la vingtaine, toma la vingtaine, toma la trentaine. Ça va très vite. يوم من الأيام tu verras, ربما si tu vis longtemps, ربما يوم من الأيام tu seras une vieille personne et tu pourras plus faire certaines choses et tu regretteras certaines choses. هذا فcette vie elle est قصيرة. فالإنسان يجتهد في العمل الصالح يترك يترك بعض الأمور تبلطن في بعض الأمور في الحقيقة. قال العاقل يعلم أن حياته الصحيحة حياة السعادة والطمأنينة وأنها قصيرة جدا، فلا ينبغي له أي يقصرها بالهم والاسترسال مع الأكدار أي الهموم، فإن ذلك ضد الحياة الصحيحة. تأملوا قول شيخ السعدي رحمة الله عليه: فلا ينبغي له أن يقصرها بالهم والاسترسال مع الأكدار. لا ينبغي ألي كخ أنت دائما مشاكل، دائما فلان إلى دي فلان إلى في. ما بعض الناس حياتهم هكذا، والله حياة تعسة تعب مشقة، دائما إلى دي بروبلم. دائما الإنسان العاقل يسكع دي بروبلم، مثلا ton voisin ou ta voisine, elle a fait telle chose, elle a des problèmes, ça n'a aucune relation avec nous. Tu rentres fil bay, ma balouk, et cette femme, elle te dit, la voisine en dessous, elle a dit, la voisine d'en haut, elle a fait, Fulani, il a dit, Fulani. T'en veux, Kanta. Alhamdulillah, ala salam, nous, on n'a pas ce problème. S'il faut les conseiller, on les conseille, sans parler derrière. Matalan, ou Radjou, il conseille le mari, ou la femme, elle conseille la femme, des choses, mabbota, berif. Inch'Allah, il y a Amma, wahat, il critique, un autre deuxième, il critique. L'autre, qui fait les erreurs, il n'est même pas au courant. Il a fait, il a dit, on a envoyé, c'est pas ça le hayat sahiha. Le hayat sahiha, c'est fait l'ilm. Au lieu de parler, on ouvre un livre, on adresse, on écoute du Coran, on parle de choses mubahas. Et tu verras que tu seras firaha. Une personne, elle a fait des erreurs, nous aussi on fait des erreurs. Et il n'y a que le voisin qui a des erreurs. Nous, on est un bait, khalas, il y a l'isma, il y a le wahi. Allah, il aime les erreurs. صلى الله سبحانه وتعالى الستر هذا ست طريقة طيبة quelque chose ينصح على personne كا هذه cette personne كذبها تنصح فالشيخ قال فلا ينبغي له أن يقصر بالهم والاسترسال الاسترسال c'est ce qu'on vient de citer jour après jour دائما ça s'arrête plus tu vois plus le bout حتى تنضيق لا يعلمه إلا الله قال مع الأكدار فإن ذلك ضد الحياة الصحيحة c'est plus une حياة طيبة t'es plus reposé wallahi takrah takrah va hada yuntabah la khasatan an nisa hatta ar-rijal lakin fi an-nisa akthar qala fa inna dhalik dhidd al-hayat as-sahiha fayashu bi hayatihi an yadhhab kathir minha nahban lil-humum wal-akthar sahih il vient faire un résumé de sa vie une grosse partie c'est fi al-farah Fulani l'a dit, Fulani l'a dit, Fulani l'a fait, on aurait dû, mais, et hada le kalam. Wallah, il n'y a aucune faïda. Hadi l'hayat, c'est une ni'ma. Chaque minute, c'est pour ou contre toi. Jtahid que ces minutes, ce temps, il soit pour toi. قال ورا لا فرق في هذا بين البر والفاجر ولكن المؤمن له من التحقق بهذا الوصف الحظ الأوفر والنصيب النافع العاجل الآجل. L'importance du temps. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس معروف نعمتان. مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ كثير من الناس ils sont perdants dans ces deux ni'mas ils font pas ce qu'ils devraient faire par rapport à ces deux ni'mas le temps et la bonne santé بعضهم ils sont en bonne santé فارغ نجتهد في العلم نجتهد في العبادة ni'amal ni sa bonne santé في معاصي العياد il rendra des comptes يوم القيامة بعضهم il a ni'mat الوقت il a du temps il peut rester au masjid il a du temps pour apprendre. Bel Bardoum, il y a tellement qu'il ne reconnaît pas cette ni'ma, il te dit, Matalan, il faut tuer le temps. Il veut le gaspiller, il ne sait plus comment faire. Na'oud billah. C'est une ni'ma. Talib ilm, al-mujtahid, rubbama, wallah, des minutes pour dormir, pour manger, rubbama, il les sacrifie. Tout ça, parce qu'il prend soin de cette ni'ma. Amma al-fariq, c'est un fariq. Qala, wa yambari aydan. Il cite un autre point. وينبغي أيضا إذا أصابه مكروه أو خاف منه أن يقارن بين بقية النعم الحاصلة له دينية أو دنيوية وبين ما أصابه من مكروه فعند المقارنة يتضح كثرة ما هو فيه من النعم واضمحلال ما أصابه من المكاره c'est un point مهم quand un problème est arrivé مكروه maladie, pauvreté, autre compare avec la ni'ma صحيح tu vas voir que cette chose tu vas la minimiser, tu vas dire Alhamdulillah. T'es atteint par une maladie, tu dis Alhamdulillah, le haqiqa, je suis encore à la khir. Foulan, Rubbama, il bouge plus. Foulan, Rubbama, il sort plus de l'hôpital. Foulan, Rubbama. Toi, tu dis Alhamdulillah, le haqiqa, je suis fi alafia. Tu vas voir que cette moussiba, elle va être minimisée. Kadhalik, il t'arrive un problème, tu dis Alhamdulillah, j'ai une ni'ma azima, c'est l'islam. Alhamdulillah, je suis à la sunna. Et tu te réconfortes bihada. Tu dis Alhamdulillah, Allah, il est kari. Il m'a éprouvé bihada. J'ai certains péchés et Allah subhanahu wa ta'ala il me veut du bien. L'anna il a éprouvé ses rasuls avant moi ou l'anbiya. Hakada l'umur, tu les règles et t'avances. Ma balouk wahad, une petite chose, il fait rien que de se plaindre. Pas de dua, pas de digre, il se plaint wasil. Hada, cette musiba, elle va le mettre à terre. Sahih. قال وكذلك يقارن بين ما يخافه من حدود ضرر عليه وبين الاحتمالات الكثيرة في السلامة منها فلا يدع الاحتمال الضعيف يغلب الاحتمال الكثير القوية c'est un point مهم كذلك une rumeur أنه il va voir كذا c'est une rumeur elle est ضعيفة elle est pas قوية

ما بالك أنت الإنس والجن يسغصهم pour te faire du mal. لا يضرك إلا بشيء قد كتبه الله لك أو عليك. فلا يضرك هذا أبدا أبدا. أنت سكت في جمال ستي بشي. كما قال عز وجل والذين كسبوا السيئات فجزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. هذا سكت في جمال. أما تعرف خير مثلا مثلا تشوف الصلاة قدر تشوف الصلاة واحد ينعش الغمار تشوف بس الصلاة إيش كسبت في جمال أبدا. تشوف الصلاة عند الله شوف الله سبحانه وتعالى يسكت في الصلاة. Et toi, tu fais cela. Un, il vient, il ment, il lance une rumeur, il dit, ouais, Foulain, il fait pas cela. Est-ce que ça te fait du mal? Wallahi, ça te fait aucun mal. Fais un tel hal, là, t'as fait. T'as un zaïj, tu t'énerves, tu cries, tu perds tes moyens. Abaten. Abaten, montre. Comme quand la Bible dit, il n'a pas sa vie. Montre. Tu montres que tu es innocent de ça et avance. Là, qu'est-ce qu'il faut pour Hada? Il faut avoir une niya qawiyya et hasana. Ah, mais celui qui fait pour les gens, dès que les gens y parlent, ça lui fait beaucoup de mal. Léna, son but, c'est les gens. Celui qui fait pour Allah, Allah la yubali. La yubali, Fulani parle ou Fulani parle pas. La yubali, abadan. Là, son but c'est rida Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, la yadurruka, la tadurruka, bel tadurruhum. C'est kalimat, c'est aqwal, sayi'a. Qala, illa in ajgalta nafsak fil ihtimam biha. Ça va te faire du mal. Mais pourquoi il a dit, mais moi j'ai rien fait? Abadan. Montre qu'il est à la batil, qu'il ment. Montre que tu es à la haq et avance. Anna, tu te fais du mal, mais les gens ils vont dire, ça va se propager. Mais pourquoi? Ya khitruk. Allah, ça c'est min al-dha'af. Al-anbiya, alayhim salatu salam, ma salimu min aqwal al-nas. Al-anbiya. Al-Nabi salam, il a été accusé de sahir, de kazab, de majnou. Ma baluk ant. Tfaddal. Ma baluk ant. La tulqi balan lil batil. Allah, le batil, ça te fait pas de mal. Le batil, il est kathir. Wa... الأصحاب الباطل ils sont كثر كذلك. فالأنبياء ils ont été combattus et ça leur a fait aucun mal. بل الحق لمنصور. الله سبحانه وتعالى الخالق بعض المجرمين الكفر الملحدين يطعنون في الله. الله c'est le خالق. ما بالك أنت المخلوق الضعيف المسكين. L'essentiel c'est que tu sois à la حق. لا تبالي بالناس. الناس t'arrivera jamais à les convaincre tous. T'arrivera jamais à être d'accord. أبدا. دائما واحد يتكلم دائما فانت لا تبالي montre اتكلم بحق et ne te laisse pas faire pas une solution هذه se laisser faire ابدا tu te laisses faire et une victime et هذا يطعن فيك وهذا ابدا تاع حق montre بادب et si c'est un مبطل montre بقوه et si c'est quelqu'un qui s'est trompé انصحه c'est ça طريقه العلماء طريقه السلف قال وسوغت لها ان تملك مشاعرك فعند ذلك تضرك كما ضرتهم شوف تامل T'as rien fait à la base. Mais si tu ne fais pas attention, un mubtil te fait du mal, ça lui fait du mal à lui, il y en a aussi un dhalim. Et toi, kadhalik, tu te fais du mal. Imma, tu ne parles plus, tu ne montres pas le haq. Imma, tafshal, il prend le dessus sur toi, tu penses, tu as des doutes, ba'd, ouais, peut-être qu'il a raison. Abatan. Il faut être sûr, ya jama'a. Lakin, pour pouvoir se défendre, et pour pouvoir montrer le haq, et cette kalima ne te fait pas du mal, et patienter face aux a'da, que ce soit des kuffars, que ce soit munafiqoun, que ce soit min ahlil bid'a, min al-hijbiyin, il te faudra deux choses. Il te faudra niya. Un niya, elle va t'aider à ne pas faire attention. Léana, un ta, ton but c'est ridallah. C'est pas lui. Il dit t'es bien ou t'es pas bien, ça ne change rien, ta v'l'haqiqa. Si t'es bien avec Allah et il dit t'es mauvais, ça ne change rien. Et il te faudra une deuxième chose, al-ilm, pour pouvoir répondre. Léana, même t'as une bonne niya, ça ne te fait pas. Si tu as l'ilm, tu pourras montrer. Annahu sa mubtil. Fa deux choses. Al-niyya, tawhid, aqida, etc. Et al-ilm, les efforts. Qala fa inda dhalik tadurruk kama dharratuhum. Qala fa in anta lam tadha' laha balan lam tadurruka shay'a. Sahih. Sahih. La tulqi laha balan. Si c'est un qawl qui est propagé, il t'accuse, c'est un mensonge, montre. Sur'a. Sur'a, c'est un kadhab, kadha, kadha, tu montres. Et... تبرر نفسك افانس فاس بروباج والله لا يضرك بشيء كذلك قال واعلم ان حياتك هذا شيء مهم واعلم ان حياتك تبع لافكارك تافي على بورابور ا تي بونسي لماذا قال فان كانت افكار فيما يعود عليك نفعه في الدين في دين او دنيا فحياتك طيبه سعيده والا فالامر بالعكس فانتبه هنا سي ان بوين اسونسييل نيكوت با تو سكي بروباج Un fait qu'il se propage, Rubbana, il t'empoisonne la vie. L'importance de l'ilm, c'est de l'aqida sahiha. Si tu as une aqida sahiha, tawakkul ala Allah, iman qawi,

عقوبه par rapport à son char هكذا inshallah tout les conséquences ça va revenir sur toi min khair باذن الله عز وجل ان شاء الله سبحانه وتعالى السلامه من الشر ومن اهل الشر كذلك قال اجعل الامور النافعه نصب عينيك واعمل على تحقيقها ولا تلتفت الى الامور الضاره لتلهو بذلك عن الاسباب الجالبه للهم والحزن او الحزن واستعن بالراحه واجمع النفس على الاعمال المهمه كذلك انك tu fais passer les a'mal nafi'a قبل on a fait une kalima marra كلمة نافعة هذا الإمام القيم on avait lu أن tu fais passer les choses essentielles avant d'autres choses أحيانا أنت deux choses une elle est أهم fais passer الأهم معروف هذا ولا تلتفت إلى الأمور الضارة لتلهو بذلك عن أسباب الجالبة للهم نعم كذلك أحيانا أنت السبب نافع t'as une autre chose qui peut te faire du mal concentre-toi sur le نافع النافع le bien va repousser الشر نعم لا تقول لا si je fais ça mais كذا لا si c'est du خير fait إن شاء الله le خير ça repousse الشر قالوا من الأمور النافعة حسم الأعمال في الحال والتفرغ في المستقبل لأن الأعمال إذا لم تحسم اجتمع عليك بقية الأعمال السابقة كذلك c'est ça le point qu'on a cité أن il y a des choses il faut faire في الحال faut pas laisser لأن si tu laisses ça va s'empiler un عمل avec un deuxième tu sais plus où aller tu sais plus quoi faire لا tu fais الأهم فالأهم الفرض avant et il y a des choses il y a une maslaha adam tu fais passer avant وهكذا قال وانضافت إليها الأعمال اللاحقة فتشتد وطئها فإذا حسمت على كل شيء بوقته أو حسمت على كل شيء بوقته أتيت الأمور المستقبلة بقوة تفكير وقوة عمل نعم لأن ربما تشبه بغنوت عمل dans deux semaines أو une épreuve si t'as tout fait toi في وقته t'es prêt dès qu'une épreuve elle vient t'es là t'es prêt ما بالك prends l'exemple la talan الديون بعض الناس ils ont une غفلة il prend un dain عند فلان ثم عند فلان ثم il a de l'argent qui vient il peut rembourser il se laisse aller ثم une musiba elle vient maladie il doit payer ثم اصحاب الديون ils veulent leur argent un jour tout est sur toi ils viennent et te disent moi je veux mon argent aujourd'hui un autre aujourd'hui tu sais plus quoi faire ضيق وحزن là chaque chose t'as donné un موعد مثلا une dette النصيحة أن les frères ils respectent لأن on entend des histoires on se l'a l'afia هذا il prend il veut pas rendre pardon c'est du vol واضح taqullah c'est du din et ça va retomber sur toi wallahi donner rembourser cette dette voilà où t'as besoin de l'argent rubama tu t'aimerais bien garder ça, cet argent wallah c'est plus simple que plus tard d'être accusé et tu la rendras t'auras le dhiq akthar ça c'est un mithal les choses on les fait à leur moment قال كذلك وينبغي أن تتخير من الأعمال النافعة الأهم فالأهم نعم الأعمال الأهم فالأهم أحيانا أنت deux choses à faire مثلا أنت une dette tu dois un frère مثلا on va dire مثلا tu lui dois 100 euros c'est un فعل مهم tu dois lui rendre c'est une أمانة il t'a fait confiance et tu as une chose à acheter à 100 euros elle est مهمة كذلك مثلا une chose pour la maison tu sais que cette chose si tu ne l'achètes pas par la maison tu vas patienter tu te dis ça on verra le mois prochain le frère il a besoin de son argent c'est un haq fiyad al-haq tu qaddam le frère c'est pas mille al-hikmah tu fais passer toi avant et tu le laisses meskine là faliyadha qal wa yanbaghi an tatakhayyar min al-a'mal al-nafi'a al-aham fal-aham qal wa mayyiz bayna ma tamil nafsak ilayh wa tashdud raghbatak fih fa inna diddahu yuhdith as-sama wal-malal wal-kadr qal wasta'in ala dhalik bil-fikr as-sahih wal-mushawara tamam أنا دي فوا يا دي شوز تو دو فير باسي تيل شوز افون تيل شوز قد يقول قائل كومون شفي كما قال سي تان طالب علم الحمد لله سافا تيدي سي تا دو مال دوموند ميم سي تان طالب علم لا بس المشاوره سي طيب بالفكر الصحيح الفكر الصحيح اي معتقد عقيده صحيحه لا بيرسون اللي على الفطره اللي على علم الى دي بون فوندمون اما بعض الناس والعياذ بالله يفون باسي دي شوز ربما افون دي فرائض من فرائض الاسلام بعضهم ربما il a de l'argent il peut faire le hajj il va il voyage dans des bilad il y a des ma'as ça c'est pas min al-hikma ça il a pas fait passer l'aham fal-aham l'hajj il est wajib c'est un fard rukn min arkan l'islam limada tu le fais pas il te dit là mais je pense que je vais me reposer je vais faire des vacances dans tel pays et je verrai plus tard ça c'est pas min al-hikma qad tubtala Allah il peut t'éprouver t'as pas fait le hajj et il t'éprouve avec la pauvreté ou autre al-mushawara مشاورة tu demandes conseil تتشاور لكن انتبهوا هذا tu demandes conseil à أهل العلم أو طالب علم فاضل tu connais أو une personne عاقل tu demandes pas à tout le monde بعض الناس tu lui demandes conseil il te met dans des problèmes